Puis il y a les jeux interdits, les oiseaux qu'on enterre, et on reste tout étourdi, et on s'allonge par terre, comme si on avait été touché par une vraie balle. C'est un beau soir d'été, tué par des visages pâles. On ne peut plus se relever, faut rester les bras en croix. On ne peut plus être sauvé, on est bien mort, on le croit. Le ciel se met à l'orage, maman crie pour le 4 heures. Je ne connais plus mon âge, mais ce n'est pas encore mon heure. J'aime les filles en bikini et l'océan.